Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Hind en Brezonnik, Henri, Madame Traugener. Ja, Matri. Alors, Hind en Brezonnik, Kentel, Perhan, Père, à Perugen? Perhan, Père, à Perugen. Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli, hein, ouais, j'aime bien. Ça sonne bien. Henri, on va commencer par Grégoire Vuet, comme d'habitude. Ouais. Quel est le mot dont on va parler aujourd'hui? C'est un mot qu'on entend souvent, planeten ou planeden. On a les deux versions. Alors, c'est un mot qui existe au masculin aussi. Alors, c'est un mot féminin, hein, on dirait alors planeden, hein, mais il existe aussi sous forme plus courte au masculin, sous la forme planète. P-L-A-N-E-D, planète. Donc pluriel planédou, hein, alors que si on dit planéden, on dira planédenou. Alors c'est un mot qui a été emprunté à l'ancien français planète, planète, hein, P-L-A-N-E-T, donc qui vient du latin planeta, du bas latin planeta, et le bas latin planeta vient du grec planétès, qui voulait dire un astre, enfin qui veut dire errant, en fait, errant. C'est la même racine que plancton, par exemple, hein, qui sont des organismes comme ça qui se déplacent au gré des courants, hein, qui ne peuvent pas se mouvoir eux-mêmes. Et là, donc, dans la vieille conception, c'était les astres errants, dont faisait partie le Soleil, d'ailleurs. Donc, au départ, le Soleil était classé dans les planètes, hein, la Terre étant censée être le centre de l'univers. Géocentrisme. Voilà. Et donc c'est Galilée, en particulier plusieurs, mais Galilée qui a dit que non, en fait, la Terre tournait autour du Soleil. Il a essayé de le dire. Il a essayé de le dire, ouais. Il a été obligé de se rétracter, puisqu'il a été attaqué par le Saint-Office et il risquait d'être brûlé, ce qui est très désagréable. Et donc il a été obligé de se rétracter devant un tribunal. Et c'est en sortant du tribunal qu'il a dit « Et pour si mauve, et pourtant elle tourne, elle se meut, quoi. » Voilà. Galileo Galilei. Ouais. Donc, fin du 15e, hein, il est né en 1554 et il est mort en 1642. Il a vécu assez vieux quand même, hein, il aurait pu finir plus tragiquement. Ouais. Et donc voilà, en fait après, depuis cette époque-là, parce que très rapidement ça s'est imposé quand même, on a conçu le système solaire tel qu'il est conçu aujourd'hui, quoi. Il y a encore des incertitudes, hein, des petites planètes, on ne sait pas s'il faut les appeler planètes, hein, comme Pluton, mais enfin, voilà. Alors le mot planète, hein, c'est donc le mot au départ, c'est planète, hein, donc ça désigne justement ces corps célestes. Et alors il y en a quelques-unes qui ont le même nom qu'un jour en breton, hein, par exemple Meurs, c'est la planète Mars. Hein, c'est aussi le mois de mars et le mardi, enfin c'est Mars, hein, Mars. Hein. Merreur, c'est Mercure. Et mercredi. Hein. Yaou, c'est Jupiter. Et jeudi, le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Et Gwenar, c'est Vénus. Sachant que... Et alors, il y a Sadorne aussi, qui est Saturne. Voilà. Donc, c'est assez facile de se souvenir du nom de ces planètes-là, puisque ça désigne des jours. Voilà. Et alors, je dis aussi le dimanche, donc c'est le jour du soleil, et le lundi, c'est le jour de la lune. Monday en anglais, quoi. Voilà. Ah oui, j'ai jamais pensé à ça. Oui, le jour. Oui, c'est Monday au départ, oui. Le jour de la lune, quoi. Alors, ça devrait être Loire en breton, mais bon. Et Sul, c'est un vieux mot, hein, qui en breton désignait aussi le soleil. On dit Gnôle, mais Sul aussi, quoi. Voilà. Alors, tout ça pour dire que le sens dans la tradition bretonne, le sens de planète, ce n'est pas tout à fait le même. Hein, c'est le destin. Hein. Le destin, ça vient de l'astrologie, hein, puisque, par exemple, on dit être né sous une heureuse planète. Hein, donc, parce qu'on pense que les astres ont une influence sur notre vie. Hein, c'est pour ça qu'on fait l'horoscope. Voilà. Certains font ça. Oui, certains font ça. Et voilà. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Bon. Voilà. Et alors ce mot planète est très, très fréquent dans les chansons. dans le sens de destin, quoi. Calle des meufs l'année d'une, hein. Triste et d'une meuf l'année d'une. Et donc squeeze au hello. Voilà, très bien. C'est un bal plein de. Ouais, ouais, très. Chanté par, il me semble que c'est Noël Corbel qui chante ça. Oh, il y a beaucoup de gens qui ont chanté ça, hein. Ouais, ouais. Et puis, dans Les 30 variabulates aussi, on trouve, au départ, il parle du destin de la guerre, hein, en fait, et il dit que c'est une Orblanet en cria calde. Voilà. Orblanet. Cria calde, c'est dur, hein. Dur et dur, quoi. Dur. Ouais, ouais. Bien sûr, hein, là. Cette chanson-là a été faite par Jean Lebris, hein, donc qui était bulatois, enfin il est mort à Pont-Mélevé, qu'on appelait souvent Jean-Brice Carouat, parce qu'il s'était installé à Pont-Mélevé, à Kerandquat. Mm-hmm. Voilà, et qui a écrit plusieurs chansons, dont une chanson sur la guerre 14, qui se chante sur un air de ficelle. « Itron varia bulat, orei timpo sout, imahal indisclerion, erwaler pen de ben. » Un air bien connu, quoi. Et j'ai entendu ça souvent quand j'étais gamin, quoi. En Maïpenec en particulier, chantait ça, quoi. Voilà. Alors, Erblaneden, c'est le destin. Et bon, c'est quand les gens entendent Planeden, traditionnellement, ils pensent tout de suite à ça plutôt qu'au système solaire et tout ça, quoi. Erblaneden, le destin. On en reste là, Henri? Nekefal. Nekefal, allez, on passe à la seconde partie. C'est Brezhonek, Tamba Tamba. C'est pas un dialogue qu'on va avoir aujourd'hui. Non. On va parler de, ben, plutôt des infos en breton. Oui, je voulais parler un petit peu du journal IA. Tous les ans, à peu près à la même époque, je fais une petite réclame. Quand j'étais jeune, on disait la réclame. Tambrudéres. Maintenant, on fait de la publicité. Ouais. Mais autrefois, c'était de la réclame. En breton, on dit toujours un peu de publicité. On dit jamais de la publicité. Non, Bruderas, hein, Bruderas. Donc, parce que moi, je trouve que c'est une initiative très intéressante et malheureusement assez mal connue, puisqu'il y a 1400 abonnés, je crois. Chez IA, hein, ce qui est très faible finalement, hein, par rapport au nombre même de néo-bretonnants qui existent. Et pour perfectionner le breton, je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, à ce sujet-là, je pense que en Bretagne, on est toujours porté à demander la création de nouvelles choses plutôt qu'à soutenir ce qui existe déjà. On le voit par exemple dans l'audiovisuel. Hein, je vois des candidats là, puisqu'on est en période d'élection, qui demande la création d'un service public de l'audiovisuel, télé, radio, etc., comme si rien n'existait. J'ai lu aucun candidat qui propose d'appuyer ce qui existe déjà et qui a été créé par des associations et qui fonctionne quand même. C'est vrai que c'est inquiétant ce que tu dis. Oui, mais c'est aller lire, il y a rien. C'est quand même surprenant, ça, quand même, parce que ça fait plus de 30 ans maintenant qu'il y a au moins deux radios bretonnantes, Radio Kreisbreis et Radio Broduened, et ils n'ont pas l'air de s'en apercevoir. Donc, je trouve ça quand même assez surprenant. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse. On ne va pas rentrer dans la campagne électorale. Donc, le Journalia a été créé en 2004, la même année que Hinderbrezand, hein. Et donc, ils en sont actuellement au numéro 546, hein, qui est paru le 22 novembre. Donc, oui, ils ont un peu d'avance sur nous, parce que nous, on a fait des rediffusions, ce qu'un hebdomadaire ne peut pas faire. Ils ne peuvent pas ressortir le même deux semaines de suite, évidemment. Alors, ça a été créé, c'est toujours géré par l'association Keivimbeo. Et le responsable de cette association et du journal, c'est Jan van Jacques, hein, qui est un bretonnant très actif. Qui est aussi prof de breton au lycée Diwan. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller dans sa classe, d'ailleurs. Et donc, qui se bat pour son journal, hein. Alors, c'est un journal qui est très intéressant. Il y a plusieurs formes, il y a une certaine variété des bretons qui sont écrits dedans, hein. Il n'y a pas de doctrine officielle, orthographique ou autre, hein. Chacun a écrit en fonction de sa sensibilité. Certains ont un peu une tendance plus Vantes, d'autres plus Léonard, enfin voilà. Et il comprend beaucoup de choses. Alors, il y a des informations, par exemple, sur l'actualité nationale et internationale. C'est les pages ENV, hein. Bon, des contributions de lecteurs aussi. Il y a une chronique en gallo aussi, donc qui est faite par Régis Saufray, Fabien Lécuyer et Patrick Deriano, et qui est intéressante, hein. On voit pas beaucoup de galop écrit, donc c'est quand même intéressant. Moi, je le lis avec beaucoup de plaisir. La chronique de Joe Benirian aussi, toujours très très bon breton, là, et assez facile à lire, hein, parce qu'il y a aussi plusieurs niveaux de langue. Hein. Il y a des choses qui sont faciles à lire et qui permettent d'améliorer le breton écrit et lu. Et puis la chronique de Paul Mingan aussi, qui est toujours très intéressante. Alors, je ne vais pas les citer tous, hein, mais bon, voilà un petit peu... Qui est aussi prof d'histoire au lycée Diwan. Oui, voilà, oui. Et qui est toujours pleine d'humour, j'aime bien. Et puis, il y a aussi des mots croisés en breton, quoi, qui sont assez costauds. Hein. Mais bon, on a la solution la semaine d'après, donc... voilà. Alors, bon, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le Journalia. Et moi, je pense que c'est une initiative qui est intéressante et qui pourrait facilement doubler le nombre d'abonnés, je pense, hein, par rapport au renouveau de la langue bretonne aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous voulez vous abonner, alors, il y a un numéro de téléphone, 02 98 26 87 12. Et puis, alors, il y a une adresse internet, on peut la donner, hein, Magali, en petites lettres, hein, magali.kvb, c'est Keivimbeo, non, c'est Keivimbeo, hein, @orange.fr. C'est à Laz. Et c'est à Laz, oui, ça j'ai oublié de le dire, oui. C'est dans le Finistère. Dans le Finistère, oui. Voilà, bon, ben, voilà. Quel moment de bruder à Svidia. Allez, troisième partie, Petrazone Vervro maintenant. Thank you. troisième partie de Hent ar Brezhoneg. Eri, petrez on evervron ? Ben, kalz a draoù e ur vej diouzan. Ur vej diouzan, benefi ne oa ke begred ur gros petrez on evervro, blamm de gwalz ar voud oa war vezet ba Paris. Un derog oa gred an abaden. A set oa ke begred ur gos oa belaket zon erez. Guire e spontus peso tremenet an deel ba Paris, gant an lahad ag didruye, chomera an en mwemet hag mut, hein, direk tiemet de Fulster, hag gassoni, hag jiwaz ur war vo hir brezel neve, brevezel ba mo neveze, rog vo echu en traou. Hat grog om mamestra, gant an abaden. Tost a ram bremañ de ze gwan, en diskaramz ar zo be kloa, med bremañ om tost a de ze gwan hag an amzor zo deut de yinat. A prestig vem ba mar e nazvent, en azven e un amzor ve rog ne deleg. Bon, a prestig vem ba an azven a waler tamm a tamm de ne deleg, a den detient tamm blan. War da chen e la bourdou ar hag vu e war ar mez, benefin ar vejman e la rink kalz dra, hag grog e gonganze ar vejel. De rien tan zul, de ze mis tierzu, zuroar, vo ur votadegou evit dibab, kuzulè rien ur anvro. Kam a trezen vefe bet nul le zi, oa ranken med zuroar ma mestra, vo der hat gant ur votadegou. Hag e brei zammeuz o vel meuzlar ed ur vegel deja, zo on eglisten war ur rank. Hag an se zo kalz e dud a zo kaz mont war e gado ar yo. Men ne ko plaz vite tout. Bon. Pe oan an kamz de ze listen ou zo war ur rank, l'en ur an war a gazete nou, pe ze ve skriv et gante, pe ze ve lar et gante, war dachen zivina du rond bro. Hag zoe zuz war e pe ze ve klev da pe ze ve lennet. Ne war anke plarman Jacobine tin e leg de gu o zora, pe jan eus ke metu tin o tiven an brezondek, pres d'or o seiz posup evit chom fe be ur yez. Hag bon, plèrement aide Jacobine de voir marément de voir en que mais j'y ou as custimoire et un dude de glaive sorte comme j'ou pv politiquer you no camp au cambali virion et même strop et waler vota dégou vos guel de Jacobine au ton doit au his hat cap hat tap de ur galout à gariel réseau tiveners et vena du revro vos casse de lucette pe de strak al bur li war ur men e pe l'erel. Dis ve kont jultol, bon, hag eus war vo ma meus mot. Hag ba pep strol a devel just zo Jacobine da a rez man al arant yo mant bet ur mar eman te oa o his prestik. Bon, an de chanj tach an bromen mont oa an da chanel, de nonne ge viz du oa bet inor ba kerien fanch ur moel. Un dinze oa gant de batierien, ur bla 1906 war nugen, hag zavet batierien, hag ba bla onan ar hantor kant, oa et ba polis, ba Paris, an neus gret tout di garrier an ba polis, a bede ba pen ur strola din ob den terroriste, set u are, hein, deja oa terroriste de houlse, hag bon, on den a oa istimet gant un ol. Barzer bla 6 a perugen, e oa e doa i leve, a l'arre de ben neve so gant an har zan ba Paris, pi doa chom ba Paris pa di leve. Hag bon, kalz e dun eus bet an av de fanche moel hag bon, istimen an bat. Tosta de ram, vit chanj kont oaz an ovech, tosta de ram de zeur bla daouvil houezek. A ba bla daou vil houese ge vo lide de ba bro yo erzon, kant vet de a bla, en dispar pu dur vit gwell pask mil no rand houese, grog as bro yo erzon, de non zevel e vit hat kav ou di vrankis. Hag pa at seis la oa bet stourm, hein, vit rog oa bet di eubet bro yo erzon. Me me mestra oa chomet yo erzon en anternons, pez velar den delster, ba impal arez breizveur. Hag an dea blaze, vo lid de ive breiz am, da skwer ba gwenet vo gret ur hendiviz, pe ur holog ma karet, vel velar din galak, war daschen levezon broiwerzon war breis guris au calze d'arempred ou traîne d'ouvro a guinor et de vos iwerzon ba salons lever et au carès ba benebla a vid un débuna de xant patrix ou un vo de nugen vis meurs ba dublin vo pedet bagat gwenet Bela an ba, ne ke bagat gwen gom, bagat gwenet. Bon, ba fin mizman grog o ba Paris ur hop, o nan war nugen, pez velard kop 21 e galak, evit klas kon em glev tre tos de dauhan stad, dauhan bro, ma peus oan, war dachen skeul amzer. Pier lima vel velard de galak. As pi meus me mestra, ye yon tam en grog war rog war an dachen ze, Mais de ce roi vaut dièse qu'à l'aise en air en nous au cri, et puis blé roi arbitre. Ben bla, et sa perrugen, ou abed, crou de braise, or strola, des vides studiant long de bronnec, puis bronnec, de vélard, puis ce vélard de galag mammifère. Aga ze strola, ze zo hand vet GMP, groupe mammologique breton, a war dro tri handen zo ezel de zeur, gevridig ez. A kalz dro ve gret gante da skwer oa lansen hen kidour tre naun da Brest hag bon studi oa beb sortro. Hag boe da vildeg manio labourat, oanio labourat vid ober lever meur war dachen ur broneget galak atlas de mammifère de Bretagne. Hag lever zeus obedim bon an evesso A war dro tri mil den an eus ro an an tol ziko, evit ober an draze. Hag kavet ve komz deus tri ugen lon deus broneget, hein? Ve ka de breiz vel hidour, lern, louzet, bon, pe brochet ve lard, broch, ya, an ve lard de louz, hein? A kalz lon de del. Hag imban adeg an an inan banadur locus solus. Goudret pétarezé, non? Ben, ya. Ya. Ben. Lieu unique. Ya, juste mad, ya. Hag, bon, coustera no euro war nugen. Bon, war, war an dachen, on tombe war ma mes dachen, an de gomz de zor gwenan, kalze gudé nous o, un gandor gwenan, au mar ezo. Neus ket galbezo oa begret ba kalag on emvo juzma de war kuden war gwenan hag zo bekle komz de ze war RKB. Ha ba en zeusa zo o wen ispisial de zor gwenan de ze napis mellifera e vel vela an gant eus kian tourien. Hag reso gwenan du hag Pembla war nugen zo, zo bezav d'Ostrola, de vid diwal de ze gwenan du, bro eusa. A kase ve breman ou an ezet de ze wenze, on tam pe bler bro Europa. Pe ve komz de ze, e pujon komz de ze ene zeusa, zon ger du stu ba holonel hag zo un sort arwez vid ene zeusa, e en devet. Ba, Ba en eus eus a zo divet bremañ ben eke mam eus wen, neus ket chin deus a wen orin, dar la rade divet bian hag gant a rous, med kal ze blasa o en bekaset, a setu zo vekavet deus eo un tombe pe bler. Hag doigen la so a bezavet o strolat, hag zo hangle de gemo, galak groupement des éleveurs de moutons d'Ouessant. Bon, dans mon temps, moi, d'achat de Zévenadur. Girard Puil, zo, wa kazetener, bas a gazette en l'humanité, a vraiment, wa il levé, a mon scrivania, an des grès de lever, jusmad, wa reske l'amzer, a d'arempred ou trait, un écologie, un économie, es. Displique en rap et sur mode, avait fait, moyenne de brodu il bouet à dans le vésiou quand ne ptor quand quand du genre de nature levers is au handvet paris climat 2015 l'écologie peut encore sauver l'économie ag zuroir et au lever bouise il a fait du change à le rendre bah Bandin, c'est plus dur, hein, c'est très vrai que rien d'erdin. On entend pour dire, c'est évident. Un archéologue, Barry Kunlife, Jean-Jolande dit, se veut distinguer, son d'in de Breisveur, en ce grès de lever, jusmat, war rioudet, hein, war rioudet, plus dur rioudet, zo l'air meur, vide l'archéologie, hein. Jean-Jolande dermat, pis content de zen yaudet, Jean-Jolande, j'en dis rien, ni wagré d'organowen, mis aux deux heures yaudet, hein, t'as leur chapelle du hon, un bro, vartelodet, de bigrillard d'alluron. Lever zo handvet, le yodé, archéologie d'une agglomération. À Guimbande, des grandes presses universitaires roises, à Coustera, Huerero, Warnugen. Les vaisseaux, quand Downing, Yann Riou à Christian Fagon, au Grédo Lever, ou à Brezon de Guinnessun. À Guinnessun, Bones, ou à Brezon de Guispici, à longtemps, à Grédo Bredon de Descent. On peut dire, Guinnessun, mais il me plaît, j'ai d'Alise, un débat, place Z. Ah, que sais-tu, d'un grade au lever, trésor du breton de l'île de Saint, Brezon de Gué, Bredon de Gardière, un trésor. Ah, que Jean Gelran, bah, lever de Vaucovet, Calzedraou. Bon, sais-tu, même grade, on tombe trop, voir, toute pessonnée, mais bavreau. Ah, que l'arme d'art, Kenavo, Chiloé, Arne et Kabé, Kenavo d'Armorgan. Kenoéry.